Le mauvais mirage de René Mézeroy, 1893. Dans ces brusques métamorphoses de la lumière électrique, s'épandant tantôt en ondes d'un rose fané exquis, tantôt en une coulée d'or fluide comme filtrée à travers des cheveux de blonde, tantôt en une nappe bleuâtre aux tons crépusculaires et étranges où les femmes semblaient, avec leurs épaules nues, de vivantes fleurs, tandis qu'au milieu des rires se déroulait une verveuse revue d'atelier jouée par d'incomparables marionnettes. C'était en la nuit du 1er janvier, chez Montmirail, le raffiné peintre des onduleuses poses, des miroitants sur A, des mièvreries parisiennes. Le grand Pescaleil, que d'aucunes ont surnommé Moumout, je ne sais pourquoi, nous dit tout à coup, à mi-voix, « Certes, oui, l'on ne se trompait pas, et les faiseurs de potins n'ont eu tort qu'à demi, en accolant mon nom à celui de la tant jolie Lucie Pernelle. Elle m'avait pris le cœur comme un oiselier englu un matin de gel, quelque imprudent roitelet. Elle eût fait de moi tout ce qu'elle aurait voulu. J'étais sous le charme de son énigmatique et moqueur sourire, où les dents entre les lèvres si rouges avaient quelque chose de cruel, luisait comme prêt à mordre, à aviver d'une souffrance le plus câlin, le plus voluptueux des baisers. J'aimais tout en elle, ses souplesses félines, ses lents regards glissant entre ses cils mi-clos comme chargés de promesses et de tentations, son élégance un peu cherchée, et ses mains, ses blanches mains fines, longues, veinées de bleu, comme les exsangues mains d'une sainte de vitrail, ses doigts fuselés où ne brillait que la goutte de sang d'un rubis. J'aurais donné tout ce qui me reste de force, de jeunesse, seulement pour la décoiffer, pour appuyer mes paumes brûlantes sur sa nuque fraîche, sa nuque ronde comme un fruit, pour sentir toute cette soie rayonnante, toute cette crinière d'or m'envelopper, me caresser la peau. Je ne pouvais me lasser d'entendre cette voix dédaigneuse, perverse, inattendue qu'elle a, ces vibrations de cristal fraîche, cette musique qui devient par instants rauque, dure, farouche, comme les grands appels sonores des Valkyries. Ah, Dieu de Dieu, être son amant, être sa chose, lui appartenir, lui vouer l'existence entière, épuiser jusqu'à son dernier sou, sombrer en pleine misère pour avoir eu cette gloire, cette béatitude, de posséder seul, bien seul, ne fût-ce que quelques mois, la splendeur de sa chair, la douceur de son baiser, le rose et le noir de son âme de démon. Cela vous fait rire, n'est-ce pas, que je me sois emballé ainsi, moi qui donne de si bons, de si sages conseils aux camarades, qui ai l'effroi de l'amour comme de ces terrains vagues, de ces grèves que découvre la marée basse et où l'on s'enlise, où l'on disparaît. Mais qui peut répondre de soi, qui peut se défendre contre un tel danger, contre l'attirance magnétique qui se dégage d'une femme? Pourtant je me suis guéri, bien guéri et par hasard. Et voici comme l'enchantement, en apparence si infrangible, a été rompu. Un soir de première, j'étais assis au balcon, tout près de Lucie. Comme toujours, sa mère l'avait accompagnée, et elles occupaient le devant d'une loge, l'une à côté de l'autre. Je ne cessais pas, par une insurmontable attraction, de regarder celle que j'aimais de toutes les forces de mon être. Je me régalais les yeux de sa beauté. Je ne voyais plus personne dans la salle. Je n'écoutais plus la pièce qu'on dévidait là-bas sur la scène. Et brusquement, je reçus comme un coup de poing au cœur. J'eus comme une hallucination démente. Lucie avait fait un mouvement, et sa jolie tête se profilait en la même attitude, avec les mêmes lignes que celles de la maman. Je ne sais quel navrant jeu de lumière l'avait ombrée, durcissait, empâtait ses traits délicats, en déformait l'idéal joliesse. Et plus je les contemplais toutes les deux, celle qui était jeune et celle qui était vieille, plus s'accusait cette désespérante ressemblance. Je voyais Lucie vieillir, vieillir, lutter contre les années qui s'accumulent, qui griffent le visage de rides, qui engraissent le menton, qui cernent les paupières, qui abîment la bouche, et en écorne la fermeté savoureuse de fruits. Elles avaient presque l'air de jumelles. Je crus que j'allais devenir fou tant je souffrais, et malgré moi, au lieu de secouer cette obsession, de me sauver hors du théâtre, loin, bien loin dans le tumulte du boulevard, je m'entêtais à dévisager l'autre, l'ancienne, à la parcourir, à l'étudier, à la disséquer des yeux. Je m'acharnais avec de l'hypnose sur ses bajoues avachis, ses fossettes ridicules, à demi comblées, ce triple menton comme sanglé par des brides de capote, ses cheveux qui devaient être teints, ses prunelles qui n'avaient plus de lueur, ce nez qui était la caricature du merveilleux, du spirituel petit nez de Lucie. J'avais la prescience de l'avenir. J'aimais, j'aimerais chaque jour davantage l'ensorceleuse qui m'avait si despotiquement et si vite conquis. Je n'admettrais aucun partage, aucune liaison, du jour où elle se serait donnée à moi. Ce serait bientôt l'absolu collage, et qui sait, au moment où l'on s'en défend le plus, la fin légale, le mariage. Pourquoi ne pas donner son nom à une femme qu'on aime et dont on est sûr? Et je serais rivée à une créature déformée, en laidie qu'on n'ose pas sortir, que les camarades reluquent avec des railleries dans les yeux, et de la pitié pour l'accompagnateur de ses restes. Alors, sans bonjour ni bonsoir, sans détourner la tête, le rideau tombé, je me suis enfin fait conduire au galop jusqu'au Moulin Rouge, et j'y ai ramassé la première venue, une drôlesse quelconque, affriolante et canaille, pour m'en griser jusqu'à l'aube, pour me vider jusqu'au moelle. Eh bien, s'exclama Floris d'Anglais, c'est moi qui ne mènerai plus maman au théâtre. Les hommes deviennent décidément trop loufoques.